السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فنواصل أو نواصل الكلام في دراسة رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah l'étude de l'épître, les annulatifs de l'islam de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. قال المؤلف رحمه الله الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. L'auteur du livre rahimahullah ta'ala nous dit, quatrièmement, ou quatrième annulatif de l'islam, quiconque a comme conviction qu'une voie est plus complète que la voie prophétique, et que le jugement d'un autre est meilleur que celle-ci, ou que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de préférer le jugement des tawarit, celui-là est un mécréant. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne ici le quatrième annulatif de l'islam, à travers lequel la personne annule son islam, qui est le fait d'avoir la conviction ou de croire qu'une voie autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure ou plus complète, et que le jugement d'un autre est meilleur que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là a mécru. Dans la parole de l'auteur, quiconque a comme conviction qu'une voie est plus complète ou meilleure que la voie prophétique. Ce qui est voulu ici de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa religion, l'islam. Il est connu que le tawhid, ou la parole d'unicité avec laquelle la personne entre en islam, repose sur deux fondements. Sans la concrétisation de cette attestation ou de cette parole d'unicité, la personne n'est pas considérée comme étant musulmane. Et cela même s'il prie, donne la zakat ou donne l'aumône. Le premier fondement de cette attestation est de témoigner que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, qui est la parole « La ilaha illallah ». Ceci tout en appliquant ces conditions et en œuvrant dans le sens ou en fonction de cette parole. Quant au deuxième fondement de cette attestation, c'est le fait de témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. La parole « Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ». De même, il faut également concrétiser ces piliers et œuvrer en fonction de cette parole. Il faut savoir aussi que cette parole a un sens, et ce n'est pas une simple parole vide de sens ou dénuée de sens. Le sens de cette parole est, comme l'a mentionné l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dans son épître « Les trois fondements ». Il a dit « وَمَعْنَا شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ طَاعَتُهُ فِي مَا أَمَرْ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرْ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعْ » Il dit « C'est d'obéir à tout ce qu'il a ordonné, de rendre véridiques ses paroles, s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé, et n'adorer Allah que selon ce qu'il a légiféré. Voici le sens de la deuxième attestation. L'ordre de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans de nombreux textes du Coran, de la Sunna et parmi les paroles des imams de la communauté. Le fils de l'imam Ahmed rapporte la parole de celui-ci, de l'imam Ahmed, rahimahumallah, qui a dit « J'ai regardé dans le mushaf, dans le Coran, et j'ai trouvé l'ordre de suivre et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans 33 endroits du Coran. » Fin de citation. Ceci montre et appuie clairement l'ordre d'obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les versets qui ordonnent d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui met en garde contre sa désobéissance, il y a le verset 54 de sourate An-Nur. Allah Azza wa Jal a dit « Wa in tuti'uhu tahtadu » et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés. On voit dans ce verset qu'Allah Azza wa Jal a conditionné la guidée à l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nur verset 63 « فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Il dit dans le sens du verset que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Allah Azza wa Jalla dit également dans sourate An-Nisa verset 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dans le sens du verset, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Le grand savant, le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir, Ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit concernant ou dans l'explication de ce verset, Allah a juré par lui-même qu'ils, c'est-à-dire les gens, ne seront croyants jusqu'à ce qu'ils prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans leur affaire, dans toute chose où il y a un litige. Ensuite, cela ne suffit pas. Il faut également qu'ils n'y ait aucune gêne dans leur cœur. Cela aussi n'est pas suffisant. Il faut qu'ils se soumettent à sa sentence, à son jugement, avec largesse de la poitrine, avec quiétude, obéissance et soumission apparente et cachée. Et celui qui délaisse ce qui a été mentionné intentionnellement pour s'opposer à son jugement a certes mécru. Quant à celui qui le délaisse sans s'opposer au jugement, alors le jugement de cette personne est semblable au jugement des désobéissants. Allah Azza wa Jalla a dit également dans Sourate An-Nisa verset 59 Ya ayyuhalladhina amanu atti'u Allah wa atti'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war-rasul إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Il dit dans le sens du verset Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Puis si vous disputez en quoi que ce soit, alors renvoyez cette chose à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jugement dernier, ça sera mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce verset, dans son explication des annulatifs de l'islam, il dit « Allah Azza wa Jal interpelle les gens de la foi, car ce sont eux qui profitent réellement de ses ordres interdits et de ses informations. Et il a ordonné à travers son prophète l'ordre d'obéir à Allah à son prophète et au détenteur de l'ordre. Deuxièmement, il nous dit renvoyez tout ce dans quoi il y a un litige à Allah et à son prophète. Il nous dit les savants ont dit quant au fait de renvoyer à Allah, c'est-à-dire à son livre. Et le sens de renvoyer la chose au messager, c'est-à-dire de revenir à lui ou à son jugement de son vivant et à sa sunna après sa mort. Comme ceci a été rapporté de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in. Il nous dit également, il apparaît ici que, autre que le livre d'Allah, parmi les règles des gens, leurs lois, leurs systèmes, en dehors du livre d'Allah, n'est pas une guidée, ni une lumière, mais au contraire, tout cela ne sont que des égarements et une ignorance. Il nous dit, on comprend également du verset que si vous ne revenez pas à Allah et à son messager lors de vos divergences, vous n'êtes pas croyant. Fin de citation. Allahu Azza wa Jalla dit également dans le sens du verset 36 de sourate Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, nous dit concernant ce verset, il y a dans ce verset un rappel pour les serviteurs, qu'il leur est obligatoire de se soumettre au jugement d'Allah et de son messager, et de ne pas choisir autre chose. De même, lorsque ces derniers, c'est-à-dire les gens, choisissent autre que la loi d'Allah, et la préfèrent à la loi d'Allah, ils ont à travers cela désobéi et se sont égarés d'un égarement évident, car la vérité leur est apparue et ils ne l'ont pas suivie. Fin de citation. Après cela, parmi les preuves de la sunna, qui montre l'obligation d'obéir et de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole qu'il disait dans chaque prêche. Il disait wa khayrul hadi hadi Muhammadin, et la meilleure des voies est la voie de Muhammad. Il dit également sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu, hadith rapporté par Al-Bukhari rahimahullah, il a dit كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui s'y refuse. Les compagnons ont dit qui est-ce qui s'y refuserait? Il a dit celui qui m'obéit rentrera au paradis et celui qui me désobéit aura refusé d'y entrer. Le sens de l'annulatif, dans ce point est clair, car il y a en cela un délaissement de l'islam, de faire d'une autre voie légale de l'islam, ou de préférer autre que l'islam. Car la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son jugement, c'est l'islam, et celui qui préfère ou qui prétend que autre que l'islam est l'égal de l'islam, ou meilleur que l'islam, ou plus complet que l'islam, a certes mécru, car il n'a pas rendu véridique la parole d'Allah, dans laquelle Allahu Azza wa Jal n'accepte que l'islam, et que la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam, et il a certes à travers cela démenti la parole d'Allah et de son prophète. Allahu Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Sourate Ali Imran, verset 19. Certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate Ali Imran, verset 85. Et pour terminer ce point, nous allons citer la parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad concernant l'obligation de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, à partir d'ici, tu vois l'obligation sur les serviteurs de connaître le messager et ce avec quoi il est venu, avant toute autre nécessité, de croire en ses informations et de lui obéir dans ce qu'il a ordonné, car il n'y a pas de chemin qui mène vers le bonheur et la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, si ce n'est à travers le chemin des messagers. Il n'y a pas de chemin vers la connaissance du bon et du mauvais en détail, si ce n'est à travers leur chemin. On atteint l'agrément et la satisfaction d'Allah qu'à travers leur voie. Le bien, parmi les paroles, les actes, les bons comportements, n'est autre que leur voie. Les bonnes actions, les bonnes paroles et les bons comportements sont pesés à la balance des actes, paroles et bons comportements des messagers. À travers leur suivi se distinguent les gens de la droiture des gens de l'égarement. La nécessité et le besoin des serviteurs envers les messagers est plus immense que le besoin du corps envers son âme. Toute nécessité que l'on peut trouver, alors la nécessité envers les messagers est au-dessus. Il dit également, que penses-tu si on te cachait la guidée du messager, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil? Ton cœur serait corrompu et deviendrait tel le poisson hors de l'eau. De même, le cœur du serviteur, dont le cœur s'est séparé de la guidée et de la voix du messager, serait à l'image de ce poisson et plus pire que cela. Mais seul un cœur qui vit peut ressentir cela. Comme a dit le poète, les blessures ne peuvent nuire à celui qui est déjà mort. Si le besoin ou si le bonheur du serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà est suspendu au suivi et à la voix du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est donc obligatoire pour celui qui est sincère envers sa propre personne et qui souhaite sauver son âme, qui souhaite également le bonheur d'apprendre de sa vie, d'apprendre sa biographie, d'apprendre sa guidée et ses différentes situations, ce qui le fera sortir de l'ignorance et le fera entrer parmi ses suiveurs et les gens de son groupe. Et certes, le bienfait est dans la main d'Allah, il le donne à qui il veut, et il est certes le détenteur des faveurs immenses. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Dans la parole de l'auteur, concernant la personne qui a comme conviction que le jugement d'un autre est meilleur que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de préférer le jugement des tawarit, Allah Azza wa Jal nous dit à cet effet, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Il dit également, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Ash-Shura, verset 21, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Ou bien auraient-ils des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans Surat Yusuf, verset 40, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion de droiture. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah, nous dit, ce qui est voulu ici du jugement ou des lois des Tawarit, c'est tout jugement en dehors du jugement d'Allah, que cela soit leur système, leur loi actuelle ou leur législation, c'est-à-dire la législation des hommes, leur système et leur loi. Il nous dit également, qu'Allah le préserve, le fait de juger par les lois d'Allah est une adoration en soi. Ce n'est pas seulement pour régler les différends, mais le but c'est d'adorer Allah à travers la soumission aux lois d'Allah. Quant au fait de prendre autre jugement que les lois d'Allah, alors ceci est du polythéisme. Polythéisme dans l'obéissance à Allah et dans le jugement qui appartient à Allah Azza wa Jal. Ensuite, fin de citation de la parole du noble Cheikh Saleh Al-Fawzan. Après cela, il faut savoir que les savants sont unanimes sur la mécréance de celui qui juge par autre que la loi d'Allah dans les cas suivants. C'est-à-dire, ils sont unanimes sur la mécréance de celui qui juge par autre que la loi d'Allah dans les cas que nous allons citer. Une mécréance qui fait sortir de l'islam. Premièrement, celui qui a la conviction que juger par autre que la loi d'Allah est égal et l'équivalent de juger par la loi d'Allah. Celui qui fait des lois autres que la loi d'Allah l'égal de la loi d'Allah. Alors celui-là aura mécru. Deuxièmement, celui qui croit que cela est permis, c'est-à-dire que le fait de juger par autre que la loi d'Allah est permis. Troisièmement, celui qui se rend licite le fait de juger par autre que la loi d'Allah. Ceci est également de la mécréance, à l'unanimité. Et pire que ces catégories, celui qui préfère les lois autres que les lois d'Allah. Par exemple, celui qui dit « juger par autre que les lois d'Allah est meilleur », comme les lois inventées par les hommes et leur système. Ou dire « ce qui convient le plus aux gens aujourd'hui, ce sont les lois d'aujourd'hui. Les lois islamiques ne conviennent pas à notre époque. Elles ne sont pas conformes à nos civilisations. » Alors ceci est de la mécréance à l'unanimité des savants. Et pour finir, les savants sont également unanimes sur le cas de celui qui juge par autre que les lois d'Allah, par passion, pour un bien mondain, ou par ignorance de ce qu'Allah a décrété, tout en ayant la conviction que le jugement par les lois d'Allah est obligatoire et est la vérité. Alors celui-là aura commis un grand péché, et ceci est une mécréance en deçà de la mécréance, c'est-à-dire une mécréance mineure, qui ne fait pas sortir de l'islam, comme ceci a été expliqué par le grand compagnon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Nous clôturons ce cours avec la parole du Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, qui a mentionné une règle. Il a dit « Les gens de la sunna sont les plus savants des gens et ce sont ceux qui ont le plus de miséricorde envers les créatures d'Allah ». Il dit « Les gens de la sunna font la différence entre la parole et celui qui la prononce, comme ils font aussi la différence entre un acte et celui qui le commet. » Combien de paroles ou d'actes qui sont de la mécréance ou innovation ou perversité, mais dont l'auteur de la parole ou de l'acte n'a pas forcément le jugement de ses actes. De même, il nous dit « Les gens de la sunna font la différence entre le jugement de manière générale et le jugement de manière spécifique, sur une personne précise. Car afin de concrétiser le jugement sur une personne précise comme étant mécréante, il faut que les conditions soient réunies et que les empêchements soient absents ou levés. » Voilà ce que nous pouvons dire sur cet annulatif de manière résumée. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine. بإذن الله تعالى فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.